Romains chapitre 10. Mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur, et à la prière que je fais à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Parce que ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, en justice à tout croyant. Or Moïse décrit ainsi la justice qui est par la loi, savoir, que l'homme qui fera ces choses, vivra par elles. Mais la justice qui est par la foi, s'exprime ainsi, ne dis point en ton cœur, qui montera au ciel, cela est ramené Christ d'en haut. Ou, qui descendra dans l'abîme, cela est ramené Christ des morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, en ta bouche, et en ton cœur. Or c'est là la parole de la foi, laquelle nous prêchons. C'est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car de cœur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui, ne sera point confus. Parce qu'il n'y a point de différence du juif et du grec, car il y a un même Seigneur de tous, qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêchera-t-on sinon, qu'il y en ait qui soit envoyé, ainsi qu'il est écrit, « Oh, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux, les pieds, dis-je, de ceux qui annoncent de bonnes choses. » Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Esaïe dit, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à notre prédication? La foi donc est de l'ouïe, et l'ouïe par la parole de Dieu. Mais je demande, ne l'ont-ils point ouï? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. Mais je demande, Israël ne l'a-t-il point connu? Moïse le premier dit, je vous exciterai à la jalousie par celui qui n'est point peuple, je vous exciterai à la colère par une nation destituée d'intelligence. Ésaïe s'enhardit tout à fait, et dit, j'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point, et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Mais quant à Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant.